Les chaque moun ap rale yon bout, Haïti dans la déroute, la misère pa ka bout. Tout pays a ka pran bon fè, personne pa ka refè, yo pran chimè lan mè. Yo kilbite nan fond bateau, gen sak mouri nan d'lo, pye vent ka drive yo. Pas haïtien se pa marin, quand on t'y a qu'à tout même, pour y'a pas gain chimè. Y'a un petit geste pour y'a, y'a une tendresse pour y'a, y'a une faveur pour y'a, y'a l'honneur pour y'a, y'a une épaule pour y'a, y'a une parole pour y'a, y'a une bonté pour y'a, l'amitié pour y'a. Chaque moun a fait plein de yakout. Haïti dans la déroute. La misère pap jambout. Tout pays a fait grigi. Petit li prend courri pour y aller Miami. Yo kilbite nan fond bateau. Yo fait fausse couche nan de l'eau. Mauvais temps barré yo. Américain, pavle haïtien. Yo fait yo retourner, passe yo pa Cuba. Yon petit geste pour yo, yon tendresse pour yo, yon faveur pour yo, yon l'honneur pour yo, yon épaule pour yo, yon parole pour yo, yon bonté pour yo, l'amitié pour yo. Parole pour yo, yon bonté pour yo, l'amitié.